Je marche dans tes rues qui me marchent sur les pieds. Je bois dans tes cafés. Je traîne dans tes métros, trottoirs même un peu trop. Je rêve dans tes bistrots. Je m'assois sous tes bancs, je regarde tes monuments. Je traîne à la santé de tes amants. Je laisse les pétasselles sous tes ponts. Same old someone that I knew. Yes? It's of just and nothing. As long as you are by my side. Talk of just and nothing. I don't mind. Your looks never lie. You're always on the run, trying it out. Thank you. Okay, I speak good English. passer mes vacances tout seul, à te fermer dans ma rupture. J'ai même changé de bagnole et la paire de chaussures, et tout ça sans toi. J'aime tant, envole-toi parce que c'est toi qui ont décidé autrement. Et je sais, les anges un jour ou l'autre retrouveront nos Thank you. Thanks. Bye bye. Good night. Thank you very much. Good luck. I see you soon. See you soon. Happy New Year. Thanks. You too. Happy New Year.